allez ? On y va. Ouais, on bien, commence par aujourd'hui. Aujourd'hui. Alors, 1, 2, 3. Aujourd'hui, c'est le bal des gens bien. Demoiselles, que vous êtes jolies. Pas question de penser aux folies. Les folies sont à faire de vos riens. On n'oublie pas les belles manières. On demande au papa s'il permet. Et comme il se méfie des gourmets, il vous passe la muselière. Vous permettez, monsieur, que j'emprunte votre fille. Et bien qu'il me sourie, je sens bien qu'il se méfie. Vous permettez, monsieur, nous promettons d'être sages, comme vous l'étiez à notre âge, juste avant le mariage. Bien car environ nous sépare, nous manquons rappela les violons. On doit dire entre nous on se marre, allez voir ajuster la lorgnon. Vous permettez, monsieur, que j'emprunte votre fille. Et bien qu'il me sourie, je sens bien qu'il se méfie. Vous permettez, monsieur, nous promettons d'être sages, comme vous l'étiez à notre âge, juste avant le mariage, juste avant le mariage, juste avant le mariage. Soin. C'est beau. C'est beau. Bah Anita, si vous en avez une, allez-y. Hein. Ah non, pas toute seule, hein. Bah ouais, mais bah, bah, lancez le truc, hein. Bah lancez le truc. Allez, allez. On te suit, on te suit. Lance un truc. On te suit. Tu commences à connaître. Non, mais la belle chanson qu'on aime bien, là, comment c'est. Ah, de Serge Lama. Non. La chanson de Renaud. Oui. Ah, oui. La balade irlandaise. Oui. Alors, j'ai ça en tête. Hein. Ça, c'est bon. Alors, alors moi non plus, j'ai pas tous les paroles. On n'a pas les paroles. On a voulu planter un oranger. Un oranger. Dans la terre. À Fernande, je alors ça, je l'ai le droit à chaque fois à la tour. mal. Il y a toi qui peux te dire aussi. Alors, on a une chanson fétiche. Ah ouais, ça, bah, fais ton petit caramel, c'est bon. Ah bah, alors, oui. Attends, on va faire un fétiche. Ça donnera du temps. La fétiche. Alors, on va vous faire notre chanson fétiche. Quand on a créé cette chorale, il faut savoir que voilà, on a créé cette chorale et on l'a chantée pour nos résidents. Et puis, ben voilà, on a chanté une chanson qui est devenue vraiment une chanson fétiche parce qu'elle nous est souvent redemandée. Ah. Alors la chanson, c'est une chanson de Serge Lama et c'est Bam, Bam, Bam, Bam. Bam. Ah. Alors attendez, il y a Wikipédia qui va... Ah, tout le monde la connaît. Ah hein. Oh non, pas par cœur. Pas par cœur, peut-être, mais la connaît. On dit femme, ils sauront. Hein. Alors oui, pas les paroles, nous on les chante pas par cœur, hein. On a toujours notre petit... On a remis notre cahier. Bah oui. Allez, on y va. 3, 4. Et l'ami, mais ton ami de fête, ton cœur de paillettes et ton regard heureux. Ce soir je t'emmène, on va faire la fête tous les deux. La fête Chanel, avec les plus belles. J'ai gagné le gros lot, ce soir c'est la vie de château. Femme, femme, femme, fais-nous voir le ciel. Femme, femme, femme, fais-nous du soleil. Femme, femme, femme, rends-nous les ballons rouges et ronds de notre enfance. Femme, femme, femme, fais-nous voir le jour. Femme, femme, femme, sur son meilleur jour. Femme, femme, femme, fais-nous in the room du prospère youpla, youpla, boum. L'ami, ce soir c'est la bourrasque, je t'achète un masque et une chemise en soie. Ce soir je t'emmène, sors les grands je t'aime de gala. Paris s'illumine comme une vitrine de traînée, de chevalier. Ce soir on est les héritiers. Femme, femme, femme, n'aie pas peur de nous. Femme, femme, femme, on n'est pas voyous. Femme, femme, femme, choisis ton endroit. Nous, on ne s'y connaît pas, on fait confiance. Femme, femme, femme, on est deux amis. Femme, femme, femme, prie, soyez amis. Femme, femme, femme, fais-nous in the room du prospère youpla, youpla, boum. Femme, femme, femme, femme, femme, femme, champagne et caviar. Femme, femme, femme, ce soir c'est férié, on va pas regarder à la dépense. Femme, femme, femme, fais-nous confettis, à 15h et tout piquanti. Femme, femme, femme, fais-nous in the room du prospère youpla, youpla, boum. Femme, femme, femme, fais-nous maringo. Lune à part et Monte Carlo. Femme, femme, femme, fais-nous Jean Zizi au casino de Paris en telle danse. Femme, femme, femme, fais-nous langoureux du spécial et du larme aux yeux. Femme, femme, femme, fais-nous in the room du prospère youpla, youpla, youpla, youpla, youpla, youpla.